إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فلا يختلف المسلمون أن الترك الصلاة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثم ترك الصلاة أعظم عند الله من إثم قتل النفس وإثم أخذ الأموال وإثم الزنا والسرقة والشرب الخمر، وأن تارك الصلاة متعرض لوعيد الله عز وجل وعقوبته وخزيه وسخطه في الدنيا والآخرة. فهل علمت ذلك يا تارك الصلاة؟ أو مسلمان serviteur d'Allah، aucun musulman ne diverge sur le fait de dire que celui qui délaisse la prière volontairement fait partie des plus graves désobéissances, des plus immenses parmi les grands péchés. La désobéissance dans le délaissement de la prière est plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le fait de tuer une personne, que le fait de dérober de l'argent injustement, que le fait de forniquer, que le fait de voler, que le fait de boire de l'alcool. Celui qui délaisse la prière s'expose à la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son châtiment, à son humiliation, à sa colère dans la dunya et dans l'akhira. Est-ce que tu sais cela, ô toi qui délaisse la prière? هل علمت يا تارك الصلاة أنك تركت الركن الأعظم بعد الشهادتين وأنك تركت أول عمل ستحاسب عليه يوم القيامة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة يحاسب بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. Sais-tu, ô toi qui délaisses la prière, sais-tu que tu as délaissé le pilier de l'islam le plus important après les deux shahada? Sais-tu que tu as délaissé la première œuvre pour laquelle tu seras jugé yawm al-qiyama? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose pour laquelle sera jugé le serviteur yawm al-qiyama est sa prière. Si elle est bonne, alors il aura réussi et il aura le succès. Mais si elle est mauvaise, alors il aura échoué, il aura perdu, comme l'a rapporté Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Shir al-Albani. « Amma alimta ya tarika as-salat » أنك تركت علامة فارقة بين أهل الكفر والإيمان وبين أهل الشرك والإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من لم يصلي فلا دين له. Ne sais-tu pas, ô toi qui délaisses la prière, ne sais-tu pas que tu as délaissé un signe de séparation entre les gens de la mécréance et les gens de la foi, entre les gens du shirk et les gens de l'islam? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le pacte entre nous et eux, yani les mécréants, c'est la prière. Celui qui le délaisse ou celui qui la délaisse, alors aura mécru. Le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a dit: pas de bonheur en islam pour celui qui délaisse la prière. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit: celui qui ne prie pas n'a pas de religion. أما علمت يا تارك الصلاة ما هو حالك في الدنيا فإن العلماء منهم من يكفرك ويخرجك من دائرة الإسلام ومنهم من يحكم عليك بأنك فاسق ثم اختلفوا كيف يتعامل الحاكم معك إذا ثبت عنده أنك تارك للصلاة. وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله: يدعوه الحاكم إلى الصلاة والتوبة، فإن أبى واستمر على ترك صلاته قتل. وقال أبو حنيفة وآخرون: يحبس حتى يموت ويتوب ويصلي. Ne sais-tu pas, ô toi qui délaisses la prière, ne sais-tu pas quelle est ta situation dans cette dunya? Sache que certains savants de l'islam disent que tu es un mécréant et que tu sors de l'islam. Et d'autres te jugent comme étant un dévoyé, celui qui est sorti du droit chemin. Puis les savants ont divergé. Comment est-ce que le gouverneur doit gérer ta situation? S'il est certifié que tu as délaissé véritablement la prière, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed rahimahoumullah disent que le gouverneur doit t'ordonner de prier et de te repentir. Et si tu persistes et si tu refuses de prier, alors tu dois être exécuté. Alors qu'Abu Hanifa et autres disent que tu dois être emprisonné jusqu'à ce que tu meurs ou que tu te repens et que tu pries. أما علمت أن كثير من أهل العلم يحكم على جنازتك بأنها لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين. Ne sais-tu pas, toi qui délaisses la prière, que selon beaucoup de savants, on ne doit pas te laver après ta mort, on ne doit pas te mettre le linceul, on ne doit pas prier sur toi et on ne doit pas t'enterrer dans le cimetière des musulmans. أما علمت أنه لا يجوز أن تتزوج من مسلمة فيا أولياء الأمور من تقدم لبناتكم لخطبتهن فاسألوا عن صلاته فإن علمتم أنه تارك للصلاة فلا يجوز أن تزوجوه. Ne sais-tu pas, toi qui ne prie pas, qu'il n'est pas permis que tu maries une femme musulmane? Ô vous, père de famille, ô vous qui avez des filles, si quelqu'un vient demander la main de votre fille, demandez à cette personne comment elle est avec la prière. Et si il ne prie pas, alors il n'était pas permis de marier ta fille avec cet individu. أما علمت أن ذبيحتك لا تؤكل ميتة عند كثير من أهل العلم بينما ذبيحة اليهود والنصراني يجوز أكلها إذا ذبحها على طريقة الشرعية كما قال الله سبحانه وتعالى: وتعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وأما ذبيحتك يا تارك الصلاة فلا يجوز أن تؤكل، فلهذا ينتبه المسلم أن يسلم ذبيحته لتارك الصلاة ليذبحها، سواء كانت ذبيحة أكل أو ذبيحة تجارة أو ذبيحة بيت أو ذبيحة عقيقة أو ذبيحة أضحية. Ne sais-tu pas, toi qui délaisses la prière, que la bête que tu égorges ne peut être mangée. Elle n'est pas licite, elle est considérée comme la bête trouvée morte. Alors, selon beaucoup de savants, alors que la bête du juif ou du chrétien qui l'égorge, selon la manière légiférée, est permise. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, au sens approché, vous est permise la nourriture des gens du livre. Quant à ta bête à toi, toi qui ne prie pas, sache que la bête que tu sacrifies, elle n'est pas permise d'être consommée. Voilà pourquoi le musulman doit faire attention qu'il ne fasse pas égorger ses bêtes par celui qui délaisse la prière. Ni la bête à consommer, ni la bête pour revendre, ni la bête pour honorer son voisin, ni la bête pour l'aqiqa, le baptême, ni la bête pour le sacrifice de tabaski. أما علمت يا تلك الصلاة كيف يكون حالك في ذلك القبر؟ فقد جاء في الصحيح من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وهو حديث طويل، أغتسل على الشاهد في من نام عن صلاة مكتوبة متعمدا، نام عن صلاة مكتوبة ماذا يكون له من العذاب في قبره؟ قال صلى الله عليه وسلم آتاني الليلة آتيان، فانطلقا بي حتى إذا أتينا على رجل متجع ورجل قائم عند رأسه ومعه حجر يهوي بهذا الحجر على رأس المتجع فيثلبه أي فيكسره، ثم يتدهد الحجر أي يتدحرج، فيذهب ذلك القائم فيأتي بالحجر فيعود وقد عاد الرأس كما كان، فيفعل به كما فعل في المرأة الأولى. فقلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذان؟ فقال هذا الذي يأخذ القرآن ثم يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، شغله النوم عن الصلاة المكتوبة، فكيف بك يا تارك الصلاة وقد شغلت عن الصلوات كلها بالدنيا بالتجارة أو باللهو أو باللعب أو بغير ذلك من أمور الدنيا. Ne sais-tu pas, ô toi qui délaisses la prière, ne sais-tu pas quelle est la situation, ta situation dans la tombe? Il est rapporté dans le hadith de Samura ibn Jundub, rapporté par l'imam al-Bukhari, concernant celui qui dort de manière volontaire lors de la prière obligatoire. Et quel est son châtiment dans la tombe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la nuit dernière, deux anges sont venus à moi et m'ont amené jusqu'à qu'on arrive vers un homme allongé par terre et un autre homme debout au niveau de sa tête avec une grosse pierre. Alors l'homme qui est debout a lancé la pierre et a éclaté la tête de celui qui était assis, allongé. Puis la pierre roula sur lui et retourna vers l'homme debout. Puis la tête de l'homme allongé lui a été remise comme elle était la première fois. Et l'homme qui était debout répéta son acte jusqu'à qu'il éclata une deuxième fois la tête de celui qui était allongé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Subhanallah, qui sont ces deux-là ?» Alors on lui a dit, c'est celui qui a appris le Coran et l'a ensuite rejeté, et celui qui dort volontairement lors de la prière obligatoire. Le sommeil l'a occupé volontairement pendant une prière obligatoire. Alors que dire de toi, toi qui délaisses toutes les prières? Tu as été occupé par la dunya, tu as été occupé par le commerce, tu as été occupé par l'amusement, tu as été occupé par le jeu et autres. Un parmi les choses de cette dunya pendant les prières obligatoires. Ama alimta ya talika salat bihalika yawm al-qiyama kayfa sat'raf annaka min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa anta la tusalli kayfa sat'raf ya Abdullah wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul in ummati yud'auna yawm al-qiyama ghurran muhajjalin min athal al-wudu ghurran ya'ni bayadan fi al-wajh معجلين بياضا في الأيدي والأرجل، نور قد حرمت منه يا تارك الصلاة في موادع الوضوء لأنك لا تصلي، ولهذا كيف ستعرف إنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ Ne sais-tu pas, ô toi qui délaisses la prière, ne sais-tu pas ta situation, Yom El-Qiyama? Comment va être-tu reconnu parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que tu ne pries pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yom El-Qiyama, les gens de ma communauté seront appelés, leurs visages ainsi que leurs membres seront illuminés par une lumière, par les traces des ablutions. Une lumière qui te sera interdite, ô toi qui délaisses la prière. Comment alors seras-tu reconnu comme étant de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ama alimta ya tarika as-salat bidhalika al-wa'id al-shadid wal-tahdid al-akid liman akhara as-salat al-waqtiha thumma salla'a ba'da al-waqt muta'ammidan bighayri 'udhr. قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرونها حتى يخرج وقتها من غير عذر فكيف بك لا تصلي لا في الوقت ولا بعد الوقت. Ne sais-tu pas, ô toi qui délaisses la prière, qu'il existe une menace sévère et un avertissement indéniable concernant celui qui retarde la prière en dehors de son heure, puis qui prie après l'heure de façon volontaire, sans aucune excuse valable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sens approché, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Ils retardent jusqu'à qu'elle sorte de son heure, sans raison valable. Alors que dire de toi? Que dire de toi qui a délaissé la prière et qui ne prie ni dans l'heure ni après l'heure? Ama alimta bi anna tarika as-salat wa mudayyi'uha sayalqa ghayyan kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Qala ba'd as-salaf min as-sahaba wa ghayrihim, ghayy واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه نتن ريحه أعده الله لمن ترك الصلاة. Ne sais-tu pas toi qui délaisses la prière, toi qui néglige la prière, ne sais-tu pas que ceux-là seront jetés dans un endroit qu'on appelle ghayy? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran sans s'approcher, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, alors ils seront jetés dans Ghayy. Certains compagnons et autres ont dit que Ghayy est une vallée en enfer, très profonde. Son goût est affreux, son odeur est nauséabonde, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé spécialement pour celui qui délaisse la prière. Ama alimta ya tilka as-salat anna ahla an-nar idha su'ila ma salakakum fi as-saqar لم يبدأوا بشيء غير ترك الصلاة قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أي حتى أتانا الموت. Ne sais-tu pas, ô toi qui délaisses la prière, que les gens de l'enfer, lorsqu'on leur demande qu'est-ce qui vous a jeté fils Sakar, yani fils l'enfer, leur réponse ne commencera pas par autre chose que le fait d'avoir délaissé la prière. Et ils diront sans s'approcher, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Et nous ne nourrissions pas le pauvre. Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Et nous traitions le mensonge le jour de la rétribution jusqu'à que vint la mort. Ama alimta bi hadha kulli in kunta qad alimta fa limadha la tusalli. أما تخشى الله؟ أما تخاف من الله جل وعلا؟ أما تخشى الموت يا تارك الصلاة؟ نسأل الله السلامة والعافية والخاتمة الحسنى. Ne sais-tu pas toi qui délaisses la prière? Ne sais-tu pas tout cela? Si tu sais tout ce qu'on vient de dire, alors pourquoi tu ne pries pas? Ne crains-tu pas Allah? N'as-tu pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? N'as-tu pas peur de la mort? On demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sûreté et le bien-être. Et une bonne fin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترك الصلاة من أعظم المعاصي والمعاصي عقوباتها عديدة عاجلة وآجلة منها إزالة النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة ومنها الخاتمة السيئة والمعيشة دنك ففي هذه الدنيا فتارك الصلاة في الغالب أن يختم له بالخاتمة السيئة نسأل الله السلام والعافية ويعيش معيشة دنكا لأنه معرض عن ذكر الله وأعظم الذكر الصلاة قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Mes frères et mes sœurs, le délaissement de la prière fait partie des plus grandes désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les désobéissances ont plusieurs châtiments dans cette dunya et dans l'akhira. Et parmi ces châtiments, la perte des biens, des dons et des faveurs actuelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, ainsi que celles qui arriveront plus tard. Également, parmi les châtiments, la mauvaise fin et une vie sans sérénité, une vie sans apaisement dans cette dunya. Ainsi, celui qui délaisse la prière en général, il finit sa vie de mauvaise manière. Il vit une vie de gêne, sans sérénité, sans apaisement, car il s'est détourné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand rappel d'Allah azza wa jal est la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sens approché, « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne et le jour de la résurrection. » Nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Ya Allah, كم في المسجد من المصلين إذا أقيمت الصلاة وكم في الأسواق وكم في الطرقات وكم في البيوت وكم في الملاهي وكم في الملاعب وكم على الإنترنت فالتوبة التوبة يا عباد الله لنتوب جميعا من ترك الصلاة ولنتوب جميعا من تدعيها ولنتوب جميعا من تأخر عنها ولنتوب جميعا من تساهل فيها ولنحافظ عليها حتى نلقى الله عز وجل مسلمين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى مسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Combien d'entre nous, mes frères, combien d'entre nous sont dans les mosquées lorsque la prière commence? Combien sont dans les marchés? Combien sont dans les rues? Combien sont dans les maisons? Combien sont dans les parcs? Combien sont sur les terrains de foot ou de sport? Combien sont sur Internet? Et la prière est en train de commencer dans les mosquées. At-tawba, at-tawba, le repentir, mes frères. Repentons-nous auprès de notre Seigneur. Repentons-nous tous d'avoir délaissé la prière, qu'on se repente tous de l'avoir négligé, qu'on se repente tous de l'avoir retardé sans excuse, qu'on se repente tous d'avoir minimisé la prière, qu'on préserve tous, mes frères et mes sœurs, notre prière, jusqu'à qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on soit soumis pleinement à lui, comme Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran, au sens approché, ô vous les croyants, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Allahumma ja'alna muqim as-salah hatta nalqaka ya rabb al-alamin. Allahumma ihdi man dhalla minna, Allahumma ihdi man dhalla minna, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa radhallahumma an khulafa'i ar-rashidin alladhina qalu bil haqq wa bihi kanu ya'dilun. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وذم الأعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائل بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك